Alors, nous sommes prêts. On peut dire, introduisons-nous, plaçons-nous dans la direction de l'errance rénaldienne, c'est-à-dire multidirectionnelle, en ce beau mois d'octobre, le 9. Aujourd'hui, le 9. Ah oui, attendez avant. J'ai une petite blague. Mais vous savez, Grivoise, là, celle qui gaffigne un peu les oreilles, mais il est tard, là, il est minuit quelque, donc je peux me lancer. C'est deux vieux, tu sais, des deux personnes là, qui ont 92 et 97 ans. Des bons vieux comme on les aime. Deux bonhommes, et puis le plus jeune dit au plus vieux, il dit « Oui, ta vie sexuelle, mon Alphonse! » Il dit « Ah, oh, bon, écoute, il se passe pas grand-chose. Ah, là, voilà. Puis toi, mon jeune, toi, qu'est-ce qu'il y a, là, dans ta vie sexuelle? Ah, ben, tu sais, je suis encore marié, moi, là, avec Antoinette. Ah oui, ça fait 52 ans, ah, on est heureux. Puis, ta vie sexuelle, ben, ma vie sexuelle, là, écoute bien, je me suis fait tatouer sur le monsieur, là. Oui, sur le monsieur, je me suis fait tatouer sur le monsieur. Bingo. Ben, comment ça, tu t'es fait écrire ça sur le monsieur? Ben, c'est parce que, hey, ma femme, Antoinette, en mange du bingo. Aujourd'hui, le lundi 9 octobre, excusez-le, 9 octobre 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon bingo! Bingo! Sucez vos gars! Et les Popperman avec! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! يا محلاها هالطيويلة محلاها هالطيويلة يا محلاها هالمزيونة يا محلاها جدك روح الحقها هالطويلة يا محلاها كريستالين تران اليوم مجبورها يا ريت اللي يبعدك عني Formidable. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, là, en octobre? L'été est passé. Nous sommes à l'automne. Avez-vous la grippe, le rhume, quelque chose? Êtes-vous en pleine forme? Êtes-vous préparé, jour après jour, à recommencer perpétuellement avec le sourire et la joie de vivre? On répond ensemble, oui. OK, ça, c'est dans le doctrinement. 1, 2, 3, oui! Hey, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Comme le chantait Jean Ferrat après son accident de voiture, que c'est beau la vie. Que c'est beau la vie. C'est vrai, il a fait un grave accident. Et il s'en est sorti. La preuve, il est mort très, très vieux. Ben, très vieux, c'est relatif, là, 80 quelques années. Et il nous a donné des chansons extraordinaires. Et, mais c'est pas de lui que je veux parler, moi, là. C'est de vous. Votre été, comment ça s'est passé? Avez-vous fait de la piscine? Moi, j'ai fait du breuvage citronné. J'ai parti une compagnie de limonade. En fait, je connaissais pas grand-chose dans la limonade, à part le citron. Parce que toute ma vie, je me suis fait passer des citrons. Même mon mariage, j'ai bien peur que je me suis délesté. En fait, j'en ai reçu plein les yeux, puis ça brûle, hein, vieille, quand tu reçois des jets de citron, ça... Et puis après ça, je me suis... marié, divorcé, donc c'est un beau citron. J'ai acheté une voiture aussi, un autre citron. Et sans parler de ma maison, un citron, ah mon... Moi, je savais pas, là. Coûtait pas cher, cette maison-là. Je trouvais aussi, quand je marchais, là, c'était un peu moelleux, là, le sol. Le sol que vous partez, dit que comme le pinceau, et nous revenons à dos, les mi-façons, dos, et là. Je trouvais que le sol était mou, même émouvant. Il était plus qu'émouvant, il était mouvant. Il avait fait ça, là, avec la même terre qu'en Italie, à Pise. Tu sais, la tour de Pise, là, il en avait amené... À Charlebourg. Imagine-toi. Ils ne savent jamais partir. Non, si tu as lu ça dans les médias, dis-moi quel journal. Parce que dans ce temps-là, c'était en 72, ça, là. Là, je voulais m'acheter une belle maison. Puis, ce que je voyais, c'était déjà, tu sais, bungalow. Là. Il y en avait-tu du bungalow dans ce temps-là, dans les années 70? Bungalow. Ah, mon Dieu. J'ai dit, non, moi, je veux avoir ma propre maison. Mes propres. La première semaine, elle est propre. Après ça, quand je vis dedans, elle devient sale. Oh. Mais ce que j'ai trouvé ma rue. Bon. Après avoir trouvé sa rue, j'ai pas trouvé ma maison, mais un beau terrain. Tu sais, le terrain, là, mais c'était très rocailleux. Ouais, il y avait des branches. Non, ça n'a pas de bon sens. Quand c'est rocailleux, il n'y a pas de branches. Il y a des roches, de la pierre, c'est rocailleux. Oh, à quoi n'importe qui? Ah, c'est pas parce que c'est Rénal Gagnier, quoique c'est KRL, on est dans l'exactitude la plus solennelle. Mais là, tu sais, de l'humour, là. Non, je parle. Bon, regarde, elle fait de la baboune, elle. Elle aime bien ça. Tout l'été, elle fait de la baboune, elle. Ah oui. Tu sais, je vais acheter une belle piscine. Dans le sable émouvant, ben oui. Et puis, mais au moins, elle creuse. La piscine descendait. Ma femme aussi. Commençait à trouver ça rigolo. J'ai dit, mon dos, elle creuse sa tombe avant le temps. Tu sais, tu vois ça dans les films, là, ou à la TV, dans les émissions, là. Hey, ils font creuser le monde, là, puis ils font leur propre tombe. C'est épouvantable, mais là, non, elle est dans la piscine. Puis là, je vais aller la sauver, tu sais, mais je vais préparer ma caméra pour filmer ça, pour passer devant mes enfants ou mes futurs enfants, parce que j'en ai pas encore, pour un super-héros, au lieu de passer pour un super-zéro. Non, mais tranquillement, on commence, tu sais. Quand je suis arrivé sur le terrain, j'étais seul. Quand je l'ai rencontré, elle m'a donné la main. On s'est vu sur le chemin, encore libre. Oui, déjà libre, un amour qui ne veut pas mourir. Mais là, c'était pas l'amour qui voulait pas mourir. C'était le sol qui voulait m'embrasser, me manger, histoire de me tuer. J'ai dit, je suis sûr que cette affaire-là, c'est arrangé avec ma femme. Tout est un complot, moi, là. Depuis que j'étais avec elle, là, quand le soleil plombe, je me suis dit, ah, c'est elle. Elle a mis des rayons là, qui risquent de me ronger, me donner le cancer de la peau, puis elle veut me voir mourir. Il y en a le même, là. Il y en a le même. Puis là, vous vous dites, ben oui, il y a peut-être un peu trop d'imaginaire, ce monsieur-là. Non, j'ai pas d'imaginaire, moi. Ah non, l'imagination, j'en ai pas d'imagination. Moi, je suis carte sur table, oui. Ah, cartésien. 1 + 1, ça fait 6. Ah, voyons donc. Fait que là, quand je marche sur mon terrain, mais mon futur terrain, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait là. J'ai dit peut-être qu'il y a des âmes, des esprits, puis je crois jamais aux âmes, aux esprits. Moi, aux âmes, oui, là. Oui, tu sais, les âmes, là. Oui, que ça fait quoi un âme? Ça fait mi. Non, ça, c'est un... En tout cas, un âme de mi. On dirait Roland y a tremblé. Mais, ouais, j'ai encore la grippe. Oh mon Dieu, je fais 250 de fièvre. Ouais, je me mets de la pâte de biscuit dans le front, puis ça cuit, fait que je mange ça la nuit, tu sais. Ah, mais j'ai plus non, j'ai plus faim, je mange plus. Ah, non, je suis pas en amour, j'ai la fièvre, j'ai de la fièvre, Mais sinon, ça risque de faire une bonne émission, là. Là, les gens qui m'écoutent depuis, quoi, presque un an, ils disent « Hey, ça fait un an que tu fais de la fièvre, t'es grippeux, t'es grippal, t'es grippu, t'es grippeux, t'es grippé, t'es compris. Voyons donc, fais quelque chose! » Oh, je continue ma vie, moi, là. Je continue ma vie. Et puis là, je marchais sur le sable émouvant, mais sans savoir que c'était ça. Moi, je suis perspicace. Moi, je connais le sable depuis que je suis grain de poussière. Ça fait longtemps, là. Puis tu sais, quand t'es poussette, là, fais attention, là, t'enlèves de la poussière d'étoile. Et puis, ça, c'est une autre histoire. Fait que là, je marche, puis là, il y avait comme une vibration intense, là. Il faut que je la jette, cette affaire-là, là. Puis en plus, c'était rien, c'était rocailleux, comme je vous disais. Fait que là, je vais à la bibliothèque, parce qu'il n'y avait pas d'Internet à cette époque-là, dans les années 70. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, ben beau, je ne construirais pas sur des récifs, tu sais, sur des coraux. Fait qu'ils disent, écoute, dans les livres, là, que ce serait bien d'amener de la terre. Là, je dis, comme moi, mes ancêtres, c'était des Italiens. M'en va aller en Italie. M'en va ramener de la terre. Mais là, ça passe tout aux douanes. Puis dans ce temps-là, pour mieux s'enseigner, il fallait appeler aux douanes. Fait que j'appelle le gouvernement fédéral, les douanes, ça. Fait que je dis, fédéral, c'est le provincial. Ouais. On aimerait ça se séparer, nous autres, puis que les douanes deviennent provinciales aussi. Fait qu'on travaille là-dessus, la loi 101, le Bill 22, puis... René Lévesque, oh, il va bien. Ah oui. Moi, je dis qu'il va venir membre, là. Ben, il est membre déjà du PQ, il fait partie du PQ. Puis Bourgault, ben lui, Ariane, oh mon Dieu, on voit que hein, c'est deux gens qui se confrontent. Quelquefois, ils s'embrassent, tu sais, dans leurs propos, dans leurs discours, mais oh... René Lévesque trouve que Bourgault prend un peu trop de place. Et puis, ben oui, c'est comme ça. Et puis, donc, je vous appelle, moi, là, parce que vous êtes encore fédéral, vous allez peut-être changer, là, hein? On va vous enlever de là, faites-vous-en pas. Ah, oui, on n'est pas des imbéciles, nous, les Québécois, là. Quand on nous offre la chance, là, d'aller plus haut, d'aller plus loin, plus haut, on y va. On se lâche pas, mais on se tient, puis on lâche les autres, qui veulent pas vivre comme nous autres. Ben oui. J'ai pas peur de le dire. On n'est pas des intransigeants. On invite tout le monde qui veulent se parler en français au Québec. On est bon. Écoute, on est quoi, en 71, là? Fait que, oui, c'est la machine à... Oui, on est dans un autre temps, là. On n'est pas en 2023, OK? On est en 1971, OK? Tu comprends? Parfait. On continue. Continue, prépuce. OK, on continue. Et puis, là, 71. Fait que là, toujours 71. Hein, lâche pas. Lâche pas le morceau. Ah non, c'est pas de la couenne, ça. C'est du gras. Puis ce qui donne du gras à la viande, là, c'est toujours intéressant. Puis la viande, ben, écoute, moi, c'est ma vie, mon œuvre, et puis ça, puis spaghetti. Ça fait quelle heure, 71, j'ai dit, pas en Italie, mais au fédéral, pour savoir si je peux amener de la terre de là-bas, puis est-ce que c'est difficile que ça passe aux douanes. Fait que là, tu sais, ça parle même pas français, là. Excuse me, and no speak French. Je paye des impôts au provincial, parle français, eux autres. Je paye des impôts au fédéral, parlez pas français. Je donne mon argent à des gens que je connais pas, puis qu'en plus, que je peux pas comprendre, ça n'a pas de bon sens, moi, là. Pouvez-vous me passer un francophone, quelqu'un d'intelligent? Excuse me, man. Oui? Man, c'est qui ça, man? C'est moi, ça, man? Oui, vous parlez français? Oui, je parle français, et vous? Read and roll. and rock and roll. Readable. Investable. And continuable, and bubble, and trouble, sea, and trouble, and rubble. You see. Encore, vous comprenez pas. De un, là, je suis le futur, ben, je suis Renald Gagné, là, mais je suis le futur animateur d'Errance Renaldienne, qui est une émission, je sais que c'est Coirel n'existe pas encore, mais moi, je suis un clairvoyant. Ben, clair, peut-être pas, mais voyant. Je vois ce que je veux. Ben, comme disait ma femme, ben, mes deux anciennes femmes, tu veux bien voir ce que tu veux bien voir, toi, là. Tu vois pas grand-chose dans le présent, mais quand c'est pour autre chose, là, ah, mon dieu, hein, tu extrapoles. Extrapole, c'est qui, ça? Tu me diras pas que c'est la... Non, c'est pas les FBI. Mais non, pas l'Interpol, l'Extrapol. Ah, mon Dieu, c'est-tu une filière d'Interpol? Non, il y a pas de filière d'Interpol. Lâche les affaires d'inspecteurs, toi. Je lâche pas les affaires d'inspecteurs. On nous suit partout. Quand tu regardes à droite, fais-toi-en pas. Il y en a qui nous regardent à gauche. Puis quand on nous regarde à gauche, fais-toi-en pas. Il y en a qui nous regardent partout. Puis ceux qui nous regardent partout, ils nous regardent là! Là, à l'endroit, on voit pas qu'on nous weille. Puis quand on nous weille, on a peur de se faire weille. Mais qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je parle de voyance, là. C'est pas compliqué, là. T'as de la misère à suivre, là. Parce que j'ai pas non plus, là, le manuel. J'ai pas le décodeur. Puis j'ai encore moins de la facilité à comprendre toute la... Je dirais pas la disponibilité, là, mais la complexité de ton propos. Ouais, mais là, si t'as de la misère, là, fais-toi aider. Pas compliqué, ça. Oh, yeah. Oui, non. Madame Tremblay? Oui. Vous avez des records à vendre? Des records? Des disques? Des disques, oui. Des 33 tours? Des 33, ben oui, des 33, des beaux 33 tours. Ben oui, des séniles. J'ai des séniles à vendre. Non, des vinyles. Des séniles, des vinyles, c'est la même chose. Ben non! Ben ça, la même chose. Là, vous avez pris ça où? Ben, j'ai pris ça dans ma tête. Non, les séniles, non, votre numéro. Oh, mon Seigneur! Faut pas de changement de voix, vous, hein? C'est difficile de savoir si c'est moi ou elle. qui ça, elle? Ben, aide-moi! Aide-moi! Le ciel t'aidera! Ah, oh, mon! Le ciel m'aidera! Depuis quand le ciel nous aide? Entre toi et moi, puis la chaise, puis le 33 tours qui tourne encore, il y a personne qui nous aide. Le ciel nous a jamais aidés. Il nous aidera jamais. Quoique, je m'excuse si vous êtes un agriculteur, si vous avez une ferme, si vous travaillez, hein, bien sûr, de cette belle aventure que l'on appelle l'agriculture, ou l'élevage bovin, ou élevage quelconque. Quoique, moi, là, en 97, j'ai dit à ma femme, moi, on lâche la ville, puis on lâche la ville. Ou la ville va nous lâcher, c'est un des deux. La police est après nous autres, fait qu'on s'en va en campagne. Fait que là, nous autres, on savait pas quoi faire. Ben, en fait, c'est beau, là, tu sais, on a de la verdure. Puis on a amené quelques ordures. Ouais. Ben, les beaux-frères et les belles-sœurs. Et non, mais ils voulaient venir avec nous autres. Et on leur a dit, écoute, il y a deux chiottes là-bas, là. Mettez de la lumière là-dessus, puis enlevez les toilettes, puis vous allez être bien heureux, là. Ah, bon, ça se contente de pas grand-chose à ce monde-là, hein? Ah, mon... Et puis là, ils nous ont dit, est-ce qu'on va avoir quand même nos dollars dans notre compte? Je sais pas, moi, là, on s'en va en campagne, c'est de l'aventure, moi, de l'aventure, s'il y a pas d'argent. Pourquoi l'aventure? Tu me dis d'aventure, il doit y avoir de l'argent dans l'aventure, ben là... Écoute, si tu veux nous suivre, là, viens-t'en, sinon, ben, reste chez vous. Tu sais, moi, je suis comme ça, je suis direct, moi. Hey, 1 plus 1, ça fait 8 ans, on l'a dit tantôt. Non, ça fait 7 et 3 quarts. Oui, avec des clous 3 par 6, cloués avec un mot, tong, tong, avec la cloueuse. Hey, anciennement, là, quand tu faisais une maison, excuse-moi, tu faisais ça au bras. Là. Quand je te dis, là, tu prenais ton marteau puis cong, cong, cong. Aujourd'hui, c'est pas ça. Là. Hey, c'est des cloueuses électriques. Pff, pff. C'est comme si tu tirais quelqu'un. Là. Pff, ou tu tirais sur, je sais pas, comment t'appelles ça, des on envoie des soucoupes volantes. Là. Ouais, c'est pas des soucoupes volantes. Hein? Hey, tire jamais. Attends un peu. Là. Là, on s'arrête quelques secondes. Là j'ai peur. Là. En plus, c'est l'heure où il y en a des soucoupes volantes. Là. Il est minuit 32. Le lundi. En plus, on est au mois d'octobre. Je monte le son un peu, là, parce que je veux me... On est sur les ondes radiophoniques, en plus. Ils nous captent. Les extraterrestres, là, c'est là que ça se passe, là. C'est en haut de nous autres. On les voit peut-être pas, là. C'est pas nuageux. Si oui, un peu. Puis même si ça l'est pas, ils allument pas leur lumière, eux autres. Ils ne font pas de bruit. T'entends-tu, là? Il y a comme un filament, là. Parce que je referme ma main sur le micro. Écoute bien. Ça sonne comme ça. Un ovni. Qui t'attend, qui te regarde. Qui t'espionne. T'es pas un peu malade? Toi, le malade, arrête-toi, ils vont t'enlever. Puis s'ils t'enlèvent, ils vont tout faire vérifier par douze, là. Ils vont faire un examen, mais là, c'est à leur manière. Leur manière. Parle pas trop fort. Arrête, malade. Tu es en train de mourir, toi. Oui, on dirait que oui. Non, mais c'est parce que j'ai un problème de fourchette dans la gorge. Ouais, j'ai une fourchette dans la gorge depuis 3 semaines. Eh oui, ça vient avec la grippe. Non, ils m'ont dit, veux-tu la coutellerie? Ah, mais je vais prendre un couteau, 2 fourchettes puis une cuillère. La cuillère, ben là, on verra pourquoi, mais le couteau, OK. Alors là, on est extraterrestre, en haut, là, ils nous vérifient. Comment ça qu'ils nous vérifient? Il regarde comment on vit. T'es pas en train de tomber sur le chapeau. J'ai jamais tombé sur mon chapeau. Parce que moi, c'est un chapeau de paille. Et si je tombe sur un chapeau de paille, surtout quand la paille coupe en deux, ça fait mal aux foufounes. C'est pas des chapeaux de feutre. Les chapeaux de feutre, même si tu tombes dessus, ça fait pas mal aux foufounes. Parce que c'est du feutre. C'est doux le feutre. Placez-vous du feutre sur la foufoune, ça fait-tu mal? C'est doux, hein? C'est doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux. Il est malade, il est malade. Non, mais c'est vrai. Prends des roseaux, toi, là. Sur son bateau, pauvre roseau. C'est pas faux. C'est roseau, c'est pas roseau. Enlève le roseau, place Bozo. Pas Bozo les coulottes. Non, Bozo le clown. Mais non, l'autre Bozo, il y a deux. C'est vrai, il y en a de plusieurs. Dans la musique, il y en a-tu des Bozo? Il y a pauvre Bozo pleurant sur son bateau. Puis il y a aussi Bozo les culottes auront bien compris grâce à quelques notes. Car c'est dans les... Sa chanson de Jean Lapointe, il y en a des Bozo. Puis c'est bien parce que c'est les Bozo qui construisent toute la belle musique de notre époque. Ben en tout cas, de mon époque. Mais moi je suis pas d'époque, moi. Toutes les époques c'est moi. Les années 20, j'étais pas là. Puis je connais la musique. Tu sais, le jazz des années 20, le jazz, hey, moi j'étais là, moi. J'étais là dans les bars. Non, pas en tant qu'être humain. Non, même pas en tant que soucoupe volante. Quoique, aujourd'hui, on me dit que je suis une très bonne soucoupe volante. Mais je vole trop haut. Les gens volent trop bas. Puis quand tu voles trop bas, tu sais, en bas du bas, là, ça commence à devenir intra, en dessous de la croûte. Puis là, quand tu vas en dessous de la croûte, excuse-moi, mais t'as un plaisir fou. Ben oui, parce que là, tu plombes pas, tu sous-plombes. Quand tu sous-plombes, tu vois tout ce qui est à l'intérieur, tu sais, les racines. Là, c'est bien de savoir les racines. Quelle est la racine de la langue française? C'est le latin, selon moi, c'est le latin, bravo, vous êtes monsieur Miroc, vous connaissez le latin? Non, mais on en a entendu parler, puis même, il y a une blague hein, sur le latin, ah oui, de qui? C'est de monsieur Jean Giraudoux, oui. Puis qui dit « La mort est si ancienne », non, la liaison n'est pas très bonne, là. Recommencer, mais sans vous exciter. Je ne suis pas excité. La mort est si ancienne. Non, il n'y a pas de « ancienne ». C'est parce que la mort est, c'est E-S-T, puis il y a « si ». La mort est si ancienne. Non, enlève tout ça, mais pas de liaison. OK. La mort est si ancienne qu'on lui parle latin. Ah, comprends-tu? La mort, ça fait quoi? Ça fait... Il y a la vie, puis il y a la mort. Fait que la vie est née au même moment que la mort. Quoique la vie est née, puis la mort aussi. Quand il y a de la vie, il y a de la mort. Là, c'est quand il y a de la... Non, il y en a qui disent qu'il y a la vie de l'espoir. Ben oui, mais la vie, la mort. Quand même assez complexe, là. Philosophiquement parlant, vous qui étudiez à l'Université Laval, en philosophie, ou ailleurs, là, à l'Université de McGill, Concordia, ma tante Trois-Rivières, Marjolaine Boivin, Rita Bibelot, mes chers conseillers, mes conseillères, mes amis et les autres, bonsoir. Je suis ici pour vous raconter un peu d'où vient le latin. Le latin, comme le nom l'indique, lui-même se nomme ainsi, il vient du thym. C'est une feuille d'origine végétale et qui se soutient elle-même en parlant une langue qu'elle ne comprend même pas, comme au Québec. Et, c'est pas écrit dans les livres, ça. Non, c'est ouais, tu t'as acheté l'encyclopédie universaliste? Tabarnouche, c'est un des seuls encore à acheter des encyclopédies. Mais, t'as pas d'ordinateur? Ah non? T'as pas de cellulaire? Ah non, et là, comment tu... Là, tu commences à m'intéresser. Là, tu commences à rentrer dans mon univers. T'as rien de ça! Quand t'envoies des messages, c'est par lettre. Oh! T'as pas de téléphone! Oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là. On est en 2023. Hey! Je crois que tu fais partie des êtres les plus extraordinaires que je ne peux connaître actuellement, puisque tu t'es refusé à tout ce qui est... Mais oui. À tout ce qui nous amène le côté frivole, facile. Tout ce qui nous coupe du genre humain. Toi, quand tu vas dans une épicerie, tu parles à la caissière parce que t'as pas de cellulaire. T'as rien qui te dérange. Tu es humain à humain. Toi, quand tu vas au cinéma, tu déranges personne. Ça sonne pas. Tu es là devant l'écran. Tu es là pour ça. Tu pas là pour parler sur ta... Tu envoyé des messages. Pis... Si oui, mais reste chez vous. Puis là, quand tu es dans ta voiture, tu as une voiture. Oh non, tu as un vélo. Bravo! Oui, partir de Québec à Montréal à vélo, c'est vrai, il y a des autobus, il y a des trains, c'est entièrement raison, c'est moi l'imbécile du coin, comme le chantait Jean Lapointe. Et de un, et de deux, et de un, deux, trois, et... Vélo va, vélo vole, la voie va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station, beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station espacionnée, belle colcose de spationose. Bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole. La voie va où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle moto, beau mécano. Spider-Man, Superman. Belle bécane à arbre à cam, turbochrome d'échappement. Vélo va, vélo vole, la voie va. Vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Rien ne vaut le pédalo avec pédale et avec son zoo qui dévale la vallée avec sandales et avec ses pieds. Belle péniche, beau canot. Belle écluse, bon tirando, beau marin et beau matelot, mais rien ne vaut le vélo. Vélo va, vélo vole, la voie va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. Vélo va, vélo vole, la voie va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. Hey Gaétan, c'est pas grave ça ma belle Gaétan, le but de l'émission c'est de paraître intelligent. Hey monsieur, t'as du travail à faire? Oui. Et puis, crois-moi, tu vois, mais... Non, la misère à partir en deuxième, moi, là. En première, ça va, mais le deuxième, là, je trébuche et je chapeaute.

connais ça, moi, les avalanches de carottes. Les tomates, ben, je suis habitué, on m'en tire assez régulièrement. Est-ce que les œufs, c'est végétal? Mais non, c'est animal. Animal? Les œufs, c'est un animal. Papa, papa, pipo, pipo, pipo, pipo, pipo, pipi. Ah, pipi, pipi, papa, papa, pipi, ou petit pipi, pipi. Oh, ok. Hein, allô? Ouais, végétal. Sorry. Qu'est-ce qu'il disait, non? Oh, c'est ça, 10 minutes! Premièrement, c'est KRL, c'est des gens plus intelligents que la moyenne qui peuvent en prendre. Vraiment, là, qui peuvent en prendre. Ils sont capables de lever 250 livres d'émotions en même temps. Puis d'être heureux avec le sourire là. Rouge un peu, là. Même rouge violacé. C'est assez, mais c'est 97 ans. Oui, vous écoutez, c'est KRL. C'est bon pour foie de cœur, mais là, du poids, mieux vaut pas en prendre trop en l'air. C'est quand ça redescend que ça fait mal, là, monsieur. Ah, reposez-vous, là. Oh, mais j'ai enlevé votre perruque, ça veut la chaleur en dessous de ça. Ah, mon dos, ne laisse pas. Monsieur le président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents. Ouais, ça fait longtemps qu'on a de l'écho. Je pensais que Ah non, pas de problème. Avec toi, il n'y a jamais de problème. Oui. Ah oui. Oh! Monsieur? Oui. OK. Écoutez-vous notre émission depuis le début? Allô, monsieur? Oui. OK, pendant que je parlais, qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là? Peut-être. Monsieur, c'est louche. C'est pas la même musique qu'on entend ici, là. Qui m'a passé ça? Qui m'a plu? C'est quoi la ligne 17? Monsieur? Ah, mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Hey, ça, c'est pas la 17, tu me repasses la 43, moi, monsieur le président. Mesdames les catholiques, madame les pas trop catholiques, excusez-moi. Et. Oui, monsieur. On se trouvera dans le trou, dans le trou, dans le trou. Plus près des betteraves que des choux. On descendront chez Jeanne, chez Jeanne, chez Jeanne. On descendront chez Jeanne, calmant. On boiront à la gloire, la gloire, la gloire. On boiront à la gloire des vétérans. On leur feront des proutes, des proutes, des proutes. On leur feront des proutes de mammouth. On mangeront pas de fromage, fromage, fromage. On mangeront pas de fromage, j'aime pas ça. On fera notre prière, prière, prière. On fera notre prière de laisser cet endroit dans le même état que celui dans lequel on l'a trouvé. On sera couvert de boue, de boue, de boue. On sera couvert de boue, de bout en bout. On se trouvera dans le trou, dans le trou, dans le trou. Plus près des betteraves que des choux. Elle est touchante, intelligente, incroyablement sympathique. Alexandra Lena, auteure, compositrice, interprète, femme de tête, d'une beauté indescriptible. Même à la radio, vous transpirerez à l'entendre. Alors voici Alexandra Lena, à toi ma belle. I hate this teacher, I want to hit her, she's a real bitch. I'm afraid of this witch. I said, madam, you're ugly, so she banished me. My dad was angry, he confiscated my Barbie. She keeps bad marks, she has a big ass. That's why every student sleeps in class. Sorry, good luck to him. This girl is crazy. What a crybaby. She stole my boyfriend and gives him kisses everywhere. I'm stuck in this class with these stupid guys, without my magic wand to survive. Salut, comment ça va? Ça va très bien, enchanté. Excellent. Alors, on se place à l'extérieur ou à l'intérieur? Bah, comme tu veux, moi, ça m'est complètement égal. J'ai pas trop de pluie, c'est tout. OK, ben écoute, ici. OK, ça marche. Est-ce que ça te convient? Oui, c'est OK, parfait. Ça devrait pas tomber ici. Moi, ce qui me plaît dans ces rencontres-là, c'est que quand c'est pas difficile, c'est gagnant. Parce que souvent, il y en a qui se prennent la tête, puis c'est plus complexe, mais... En tout cas, avec toi, j'ai frappé à ta porte et tu m'as ouvert. Yes! Allô? C'est Jane? Oui, on se revoit tout à l'heure. OK. OK, parfait. Mais moi, je fais des rencontres ici, ça dérange pas. Hein? OK, parfait. Excellent, excellent. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, t'es une fille du web? Comment? Est-ce que je suis à l'aise avec tout ce qui est web, réseaux sociaux? Oui, c'est ça. Là, je viens de me lancer un peu sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify. Je me suis mis un peu partout et là, je suis en train de commencer à faire mon marketing. Oui, mais t'es plus une fille que l'on voit sur Internet. Après, oui, et aussi en vrai, puisque je fais plein d'open mic à Paris, je chante dans des bars et tout. OK. Tu chantes de 1, tu as commencé à chanter très jeune ou... Alors, des cours de chant, ça fait longtemps. Des cours de chant, ça fait très longtemps. Après, sur scène, j'ai commencé il y a 3-4 ans à chanter sur scène. Et maintenant, je chante régulièrement. OK. Mais pourquoi tu chantes en anglais? Parce qu'en fait, je suis très attirée par le monde anglo-saxon, les paillettes et tout, les États-Unis, même le Canada, parce que le Canada, il y a une partie... francophone et anglophone. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais toi, t'es de Québec. Oui, donc je suis francophone. Donc francophone, ouais, voilà. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on divise beaucoup les Canadiens, on leur attribue le côté anglophone et le Québec. Le Québec, c'est le côté francophone. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le Haut-Canada et le Bas-Canada, parce que nous, on est francophones, eux, anglophones, les deux solitudes, parce qu'on se rejoint pas du tout. Ah, OK, pas du tout. OK, c'est deux mondes séparés, genre? Oui. Okay. Parce que, de un, si tu demandes à un Canadien de nous... De sortir 5 chanteurs québécois, oui. Ils n'arriveront pas. Mais nous, on peut connaître 5 chanteurs canadiens. Donc, on a plus de culture vis-à-vis le Canada qu'en ont vis-à-vis nous. Donc, ils nous méprisent un peu. Ah, OK, c'est d'accord. Pour ça un peu la chicane entre le Canada et le Québec. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se revendiquent québécois parce qu'ils parlent français. Ouais. Et les Canadiens, c'est plutôt anglophone. OK. Voilà. C'est la petite... Et toi, tu as commencé à chanter toute jeune? Alors oui, après écrire des chansons, ça fait depuis... depuis 2018-2017. Okay. OK. Ouais, voilà, j'ai écrit mes premières chansons et tout. Mais comment ça t'est venu de pourquoi chanter? Et ben, ça m'est venu comme ça, en fait. J'ai toujours aimé la musique. J'en ai fait depuis longtemps, conservatoire, le violon, tout ça. OK. Alors, t'as une base classique. Ouais, j'ai une base classique, mais après, dans ce que je fais, c'est pas très... Non. C'est non, plutôt c'est dance, hein? C'est plutôt techno, c'est plutôt... Électropop, ouais. Déjanté, comédie musicale aussi. Ouais. Et cabaret. Avec un peu de foufou aussi. Oui, voilà, oui. Alors toi, c'est un clin d'œil aussi à Pigalle, on est dans le coin, là. C'est vrai. On gravite un peu, là. Ici, c'est un peu ton univers, même si tu... Est-ce que tu viens souvent dans ce coin-ci? Enfin, dans des bars le soir, ouais, pour chanter, mais après, comme je suis plus attirée par vraiment le côté vraiment étranger, on va dire, c'est bien, mais je me projette pas forcément... Pigalle. Non, pas forcément, je me projette plus dans un monde où je change un peu de ville, mais pas trop... Pas carré. Trop... Ouais, voilà, pas trop France. J'aime bien changer un peu. International. Ouais, voilà, c'est ça. OK. Donc, autant New York qu'Angleterre... Ah, j'aimerais trop, ouais, carrément. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené à chanter? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à chanter? Je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'adore chanter. C'est venu comme ça. Alors là, vraiment, je me suis jamais posé la question. Mais en même temps, tu es devenu un personnage, tu t'es créé un personnage. Oui, ouais, voilà, c'est ça, je me suis créé un personnage, mais il est venu petit à petit, puis il va continuer aussi, oui. Développer. Mais là, est-ce que tu considères que c'est un embryon actuellement, de ce que l'on voit de ton personnage? Parce que ça fait un an ou deux qui gravite sur Internet, que je le vois... Sur YouTube, ouais, j'ai commencé il y a quelques années, ouais, c'est ouais. Ça. Mais alors, il commence ou si ça fait déjà longtemps et que tu as décidé de te donner cette ouverture-là d'Internet pour être vu de tous? Donc, aussi d'un Québécois qui te regardait sur Internet. Ça vient, ça se développe au fur et à mesure, quoi. An overnight long where we will not be together. An overnight alone, I want a man, but tonight I need a friend for tomorrow, for all my life. Sometimes I dream of him, his mouth on my skin, he would tell me un petit projet, et puis après ça Enfin, chaque chanson, un nouveau personnage. Ça se développe, quoi. Mais c'est... est-ce que tu fais autre chose à côté de ça, si tu te consacres entièrement Alors là, pour l'instant, oui, j'ai des études, mais l'année prochaine, je vais bien faire que ça. Hein. Alors tu vas exploiter ton personnage? Ah oui, carrément. Oui. Et puis là, tu as plein d'idées? Oui, j'ai plein d'idées pour des nouveaux personnages et tout. J'aime bien l'univers, je sais pas si ça te parle, le cosplay. Qui? Le cosplay, ça te parle ou pas? L'univers un peu... tu sais, les japonais manga. Ah oui. Tu vois le cosplay, ils se déguisent. Les perruques. Oui, plateforme, le soulier plateforme et tout ça. Oui, voilà, puis les déguisements, les costumes okay. Et tout. J'aime trop me déguiser et tout ça. Mais en même temps, est-ce qu'une chanson est un personnage? Alors, ça dépend des chansons, souvent, oui. Après, ça dépend le thème de la chanson. Mais sur scène, est-ce que tu fais beaucoup de scènes ou pas encore? Alors, je fais pas mal de scènes ouvertes sur Paris. Okay. Ouais, donc je fais pas mal de scènes et puis je fais 2-3 concerts, enfin quelques concerts de temps en temps quand on me propose, je fais des petits... Une demi-heure? 15 minutes? 20 minutes? Comment? Quoi, c'est combien de temps? C'est 15 minutes, une demi-heure? Alors ça dépend, quand c'est toutes mes chansons, plus des covers, ça peut être 45 minutes, 50 minutes, des fois plus, moins, enfin... Es-tu du genre à changer souvent sur scène ou si tu... Tu gardes le même habit, le même... Alors moi justement j'aimerais bien me déguiser plus, ouais. J'adore le déguisement, les perruques. Par exemple, là sur mes dernières chansons, je sais pas si t'as vu du coup sur YouTube. Oui, j'avais la perruque rose, oui, violette, oui. Et rouge. Oui. J'aime bien, peut-être la prochaine, je me déguiserai en Marilyn Monroe en blonde, je sais pas. Est-ce que c'est le personnage qui amène la chanson ou si c'est la chanson qui amène le personnage? Oula, la question piège, je me suis jamais posé la question. Les deux, je pense. Les deux, l'univers. Tout vient ensemble pour moi. Mais est-ce que c'est venu comme ça spontanément ou si tu as vraiment travaillé? C'est devenu petit à petit, en fait. J'ai eu quelques idées pour chanter, puis après j'ai appris comment on fait une chanson. C'est qui m'a aidé? Alors, il n'y a personne qui m'a aidé vraiment, mais j'ai regardé un peu les étapes, produire une chanson. Je me suis faite un peu toute seule en autodidacte avec Logic Pro 10, tu vois ce que c'est? Oui, parce que tu es animateur radio, producteur radio, donc oui. T'es amené à... D'ailleurs, tu travailles avec quel logiciel? Pardon? D'ailleurs, tu travailles avec quel logiciel? Ah, mais moi, c'est Audio Galaxy. Ah, ok, je connais pas. C'est gratuit. Ah, ok. Alors, voilà. Mais, donc, c'est un peu en puisant à droite et à gauche que tu t'es forgé un peu un univers. Apprendre à faire, pour produire, quoi, pour apprendre l'étape. Le truc, vraiment, arrangement, enregistrement, mixage, mastering. Mais qu'est-ce qui te fait écrire? Ça me vient. Oui, parce qu'en fait, naturellement, je suis plus dans la création, naturellement. Je suis assez barrée naturellement. Alors, ça coule de source. As-tu de la difficulté à écrire ou si c'est spontané? Oui, c'est spontané. Quand j'écris des chansons, ça vient de nulle part. Hein. Et surtout quand on remarque, c'est des chansons de 2-3 minutes. Ça va pas plus loin que 3 minutes et... Oui, pour l'instant, pour ces chansons, les chansons que j'ai faites, elles vont pas plus loin. Oui, mais pourquoi? Parce que tu veux vraiment amener le personnage, amener la musique, et bang, après ça, c'est terminé, on s'en va ailleurs. Non, pas du tout, en fait. Je me pose même pas ces questions-là quand j'écris une chanson. En fait, il y a les idées qui viennent et puis je raconte une histoire. Puis une fois que l'histoire elle est terminée, elle est terminée, l'histoire. Et c'est comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, voilà. Il y a un début, il y a une fin, puis à travers ça, on compose un truc. Ouais, c'est ça, en fait. Je me prends pas trop la tête. Quand j'écris, vraiment, ça me vient comme ça. Puis pour ce qui est de la musique. Est-ce que j'écoute de la musique? Non, pour ce qui est de la musique, comment tu crées ta musique? Alors, comment je crée ma musique? J'ai des idées qui me viennent, ensuite je crée le squelette de la chanson. Et une fois là, et que j'ai bien l'idée de qu'est-ce que je veux dans mon arrangement, j'exécute sur logiciel. Okay. Et après, Ok, t'as pas de musicien, donc c'est juste... Je fais tout moi-même. Okay. Okay. Ouais, je fais vraiment tout moi-même. Et sur scène, c'est quoi? C'est une bande son? Ça dépend des fois. Des fois, j'ai de la chance d'avoir des guitaristes qui viennent m'accompagner, puis des fois, c'est bande son. Okay. Ça dépend... Alors, c'est guitare-voix? Des fois guitare-voix et des fois bande-son. Après moi, je peux, par rapport à mes chansons, faire de la guitare, moi, du coup, je peux moins... Ouais, c'est ça. Ouais, moi, tu te sens plus confiné à rester devant le micro. Ouais, c'est ça. Ouais. Now, is it true? Is it serious? Yes, it's a joke. Now, because I'm too... pretty knockout wow. The girl in the magazine is out. What does she want? Hi, I'm Tina, I'm page two. I will give you all my cutie tips, beauty tips. Gear Blondie, very bad miss, very bad miss. Now tell me, how do you want your hair? Wavy, curly, soft and shiny, super straight, extensible, bleached on natural, messy hair, rippy style, voluminous, long and glamour, pop cut, don't cut, it's my coconut, no. Is it true? Is it serious? Yes, it's a joke. You know, cause I did appear a pretty knockout. Well, the girl in the magazine is out. What does she want? Hi, I'm Sylvania, I'm at 23. Read me to know and see what stars say, what stars say. Taurus, Cancers, don't get so stressed, don't get so stressed now. What will happen to you this spring? Leo, Cuckold, the Gemini, unfaithful with a Libra or Sagittarius, Pisces and Capricorns, you will fight for sexy Scorpios, rule of Virgos, rule of Aquarius now. Is it true? Is it serious? Yes, it's a joke. No, cause I too disappear. A pretty knockout. Wow, the girl in the magazine is out. What does she want? Hi, I'm Jessica, I'm page 34. To have funny parties with your partners, with your partners. Crazy night of carnal pleasures, carnal pleasures. Find your best trainings and summer soaps. Acrobatics, lyrical, very supple, so adventurous. With perfumes, with candles, on an island, on the sofa, maybe slowly in a jacuzzi. Notched, itched, oh oh. Notched, itched, oh oh. Oh oh, wow wow, oh oh, wow wow. Shut up, I'm Sandy. Shut up, I'm Petri. And stop, Abel. Can you stop it, please? Close your mouth. Cross the magazine wheel. She appeared. The pretty. Mais ça sonne autrement, une guitare, c'est plus acoustique, c'est moins techno, c'est moins... Bah après, c'est aussi sympa d'avoir toutes les versions. Moi j'aime bien aussi... Ouais, j'aime bien aussi jouer avec des musiciens, c'est sympa aussi. Vraiment, ça dépend de... Mais l'important pour moi, c'est de pouvoir jouer des personnages et puis surtout bouger et être dans la comédie, dans le acting, dans les personnages. Ouais, c'est vraiment ça le plus important. As-tu travaillé pour être comédienne ou si c'était... Non, même pas. En fait, ça t'est venu naturellement. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, il n'y a pas vraiment de réflexion. Enfin, oui, au fur et à mesure, mais non, ça, c'est très spontané en fait. Ouais, mes idées, elles me viennent comme ça. Comme du mal soufflé, ça explose. Ouais, c'est ça. Ça vient comme ça. Et j'adore les paillettes aussi. L'univers des couleurs. J'aime pas ce qui est sombre. Hein, j'aime. Même si c'est sombre, j'aime qu'il y ait de la lumière. Ouais. Puis même la musique est lumière dans ton cœur. C'est pétillant. J'aime bien ça. Mais c'est le champagne. C'est champagne, bulles. C'est sympa le champagne. Oui, c'est des bulles. Et donc toi, du coup, tu produis donc... Donc toi, j'ai vu, tu as fait une radio. Oui, c'est KRL. C'est KRL, c'est oui. La plus vieille radio communautaire francophone au monde. Ok, ouais. Alors. On fête notre 50e cette année, et ça fait 50 ans, ce mois-ci, en février. Ah ouais, quand même? Oui, 50 ans. Donc, on est venu à Paris montrer comment on faisait notre radio. Ouais. Et puis, ça a donné des Carbone 14, ça a donné des Super Nana, des émissions Coluche aussi. Ça a donné... Ah oui, ça fait une explosion. C'est anti-commercial. Ça se veut communautaire ou associatif, si tu préfères. Et donc, c'est nous qui avons donné le chemin à des radios francophones que l'on connaît ici. En fait, ce qui reste, c'est Radio Anarchiste. Je ne sais pas si tu connais. Les radios anarchistes? Non, la Radio Anarchiste. Ah, je ne connais pas. Non, OK. Bon. Alors, c'est une radio qui est un peu comme CKRL, mais nous, on est la plus vieille. OK. Voilà, voilà. Et moi, ben, c'est ça, je rencontre des artistes. Oui. Et donc, je fais la lumière un peu sur ceux qui sont moins connus. Oui. Et donc, je les diffuse. Moi, c'est tout. Ça, je vais voir sur Internet souvent. Tu sais, je m'alimente sur Internet, sur YouTube. Puis, je suis arrivé sur ton site par hasard, par un ami en commun. Oui. Et après ça, ben, je suis allé voir tes vidéos, puis j'ai trouvé ça coloré, puis je t'ai demandé, puis t'as pas trop hésité, t'as toujours un coup de papa. Ben, c'est sûr que ouais, j'aime bien ouais, discuter comme ça, m'ouvrir sur ce qu'il y a autour. Ouais, voilà, surtout, comme tu m'as dit que t'étais, donc, du coup, que t'es canadien, donc du coup, ça vient bien. Ouais, ouais, ah oui, surtout pas. Non, ah, oui, c'est ça, surtout canadien, pas... c'est anglais. Oula, faut surtout non, c'est pas grave, ça. Ok, mais du coup, c'est très très loin, enfin, du coup, ça, ouais, c'est très très loin, du coup, oui. C'est forcément intéressant. C'est vrai, c'est bien. Et c'est facile de travailler en musique là-bas? Pas plus, qui sait. Bah, c'est ben, ouais. Ici, les conditions de l'artiste sont un peu mieux. Parce que chez nous, en fait, vous pouvez être, on appelle ça des intermittents, l'intermittence. Oui, mais c'est pas facile d'avoir le statut, oui. Ben, chez nous, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'intermittence. Ouais. Donc, tu fais un spectacle, tu es payé, mais si tu en fais 60 dans une année, puis l'année après, tu fais rien, mais tu ne seras pas payé parce que c'est pas reconnu. Ah, OK, c'est le statut intermittent qui est c'est pas... C'est ça, exactement. Tandis que toi, si tu fais... 50 spectacles par année, ben, l'année suivante, tu vas avoir un budget pour ça. Tu vas avoir un montant. Tandis que chez nous, pas du tout. L'artiste n'est pas... au théâtre, c'est encore pire que ça. Oui. Récemment, l'artiste qui pratiquait sa pièce avant qu'elle soit vue, il faisait ça bénévolement. Ah oui, carrément. Voilà. Voilà. Okay. Ah, donc la condition d'artiste est un peu plus difficile. Puis surtout okay. que le Québec est très petit. Oui. Donc la francophonie, c'est pas... Mais toi, tu chantes en anglais, donc ça change un peu la donne, là. Mais si tu veux vraiment chanter en français, ça rapetisse un peu parce que la France est beaucoup plus grande que... Tu sais, il y a la Suisse, il y a la Belgique, oui. Tandis que nous, on est un petit aquarium dans un océan. Dans un océan, OK. Oui. Okay. Ouais. Et toi, tes personnages? Just met this summer, and I know you since 4 months. Okay, it's a little bit early, but I think I like having good times with you someday, sometimes. I'm not sure, but your smile makes me smile, and your voice makes me tremble inside. And I want to tell you that you're so very cute when your beautiful eyes look at me at the side. Maybe I've a crush on you, or maybe it's nonsense. Do you really think that I never think of you? Well, I'm superficial to feel anything at all. Just met this summer, and I know you since 4 months. Okay, it's a little bit early, but I think I like having good times with you someday, sometimes. I'm not sure, but your smile makes me smile, and your voice makes me tremble inside. And I want to tell you, I forgot all my words. Where are they? Please come back when you hear I get shy. Maybe other girls will. Find them for me more quickly, like the other men who like catching me the first. Even with them around, it's you who wins the match. We've just met this summer, and I know you since 4 months. Okay, it's a little bit early, but I think I like having good times with you someday, sometimes. I'm not sure, but your smile makes me smile, and your voice makes me tremble inside. Secretly, I admit that sometimes I wonder, imagine our dream, what if you kiss? Maybe it's impossible. Please forget what I say. And with or without a chance, now I wanna dance. We've just met this summer, and I know you since 4 months. Okay, it's a little bit early, but but I think I like having good times with you someday, sometimes. I'm not sure, but your smile makes a smile and your voice makes me tremble inside. Lorsque tu fais une chanson, est-ce que tu la dédies à un de tes personnages ou si ça devient un personnage? Ah, bonne question. En fait, pareil, je ne m'étais pas posé la question. Ah. Mais... c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est super. Bah non, en fait, l'idée, elle me vient comme ça. Et puis, une fois que la chanson, j'ai l'idée de la chanson, bah, je crée un personnage. En fait, la cohérence, elle vient pas. Elle vient au fur et à mesure du truc. Elle n'est pas préméditée. OK. Elle vient... Ouais, une de magazine par exemple sur YouTube. Ouais, la chanson que j'ai faite, d'abord c'est venu d'une idée sur un magazine. Après je me dis ça peut être rigolo qu'il y ait des personnages qui sortent d'un magazine. Ah ouais. Et c'est là que j'ai créé plein de personnages. OK. Bah ça vient, voilà, la logique elle est elle se construit au fur et à mesure. Au début, il n'y en a aucune. Puis après ça devient cohérent. Mais au début, c'est un peu abstrait. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça commence à se concrétiser avec avec la musique, le texte et aussi l'idée que tu fais du personnage. Oui, c'est ça. Donc le personnage devient une chanson. Oui, un peu, ouais, voilà. Mais est-ce que tu veux que ce personnage-là ait plusieurs chansons ou c'est un personnage, une chanson? Ah, pareil, j'y avais pas pensé. Je vois que tu réfléchis beaucoup. C'est super. Bah, c'est une bonne question. Tiens, ça peut être intéressant que j'y réfléchisse. Ouais, non, Ouais, pour moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait plusieurs personnages, donc plusieurs chansons, plus qu'un même personnage. Non, parce qu'en fait, s'il y avait qu'un seul personnage qui chanterait plusieurs chansons, je m'en lasserais, parce que ce serait toujours le même. Donc, du coup, je préférerais vraiment que, tu vois, il y ait un personnage vraiment à chaque fois différent, quelqu'un d'autre. Mais c'est pas difficile sur scène de faire une chanson, un personnage, tu te déguises, tu changes une perruque, tu changes un foulard, Alors après, ouais, après des fois, je suis aussi normale quand je vais sur scène, juste moi-même, mais... Ouais, ça peut être intéressant de... C'est plutôt dans les vidéoclips que tu veux te spotter sur ce côté-là. Ouais. Parce que sur scène, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Après, suivant le thème de la soirée aussi, après, il y aura plus un personnage qui va prédominer suivant le thème. Est-ce que tu sens que tranquillement, ça commence à se tisser, commence à avoir du bouche-à-oreille, t'es demandé un peu plus partout? Bah, en fait, on va dire, je me suis fait quelques copains, on va dire, dans le monde de la nuit. J'aime bien le monde de la nuit. En fait, même, je préfère que le monde de la journée, c'est plus intéressant. Ouais, c'est plus relax, c'est plus calme, c'est plus... Ouais, bah, en fait, la nuit, on va dire, c'est plus joyeux. On va dire, dans la journée, c'est un peu plus... Les le gens boulot. Sont stressés. Non, ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, la nuit, c'est plus facile de tisser sa toile, de rencontrer des gens qui sont plus... ils sont là pour s'amuser. Ouais, ils sont branchés, puis ils sont là pour s'amuser, puis... Plus relax. Ouais, voilà, et c'est là que je rencontre pas mal de gens, en fait. Plus que dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours... Ouais. On se voit pas, on est pas. Ouais, voilà. Et puis la nuit, non, les paillettes et tout. Moi, j'aime bien. Ça me plaît. Et du coup, au Québec, le monde de la nuit, c'est comment au Québec? Ça dépend. À Québec, c'est très, très calme. À Montréal, ouais. Ça bouge un peu plus. À Montréal. Et ça parle français à Montréal aussi? Pardon? À Montréal, ça parle français aussi? Malheureusement, ça commence à se perdre. Là, ça se perd. OK. Ouais. Disons qu'à Québec, c'est 98% de francophones. OK. Puis les anglophones, c'est les étudiants de l'université. Mm-hmm. Donc, ou même des fonctionnaires, certes, fonctionnaires. Mais sinon, c'est 98% francophones. À Montréal, on peut dire que c'est 60 francophones et 40 anglophones, mais on ne fait pas attention à la langue française. Donc, à une certaine époque, c'était beaucoup plus mis sur la sellette, c'est-à-dire que le français était plus gros que l'anglais. L'anglais était moins prédominant. Aujourd'hui, ça fonctionne un peu moins. Les gouvernements ont changé. Voilà, malheureusement. OK, donc tu me disais Montréal, donc le soir, ça vit aussi à... Ça vit beaucoup. Ça ouais, vit, surtout okay. Dans Sainte-Catherine, là, dans ce coin-là, le quartier, ouais. Le quartier chinois, c'est assez hétéroclite. Ouais. C'est bigarré, c'est-à-dire que homo, hétéro, tout se croise. Ouais. Donc, toutes les races, c'est vraiment explosif. OK, c'est ouvert, quoi, ouais. Oui, c'est très ouvert. Et donc, il y a beaucoup de... Ben, c'est sûr qu'au début de la semaine, c'est plus tranquille. Hein. Ça brasse un peu moins. C'est sûr que quand tu commences à arriver au jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là, ça... c'est un peu plus festif. Là. OK, il y a plein de choses artistiques le soir, des spectacles, des cabarets, des cafés-concerts. Des cabarets peut-être un peu moins, mais des discothèques. Des discothèques. Oui, c'est ça. Okay. À Québec aussi, mais c'est un peu plus tranquille. I'm a sexy witch, I'm a super witch, with super, super, super powers. Super powers. Do you want the lottery numbers? Do you want the jackpot? You know I can help you make your dreams come true. But so, so sorry, that's a secret between me and me. I'm a sexy witch, I'm a super witch, with super, super, super powers. I can have the world at my feet, I'll be a Hollywood star with a magic formula. I'm a good witch, but I can also use dark magic. Do you know that with a potion you can create the perfect man? Irresistible, the prince charming, so sensual. But if he snores every night, I will turn him into a pig. I'm a sexy witch, I'm a super witch, with super, super, super powers. I can have the world at my feet, I'll be a Hollywood star with a magic formula. I'm a good witch, but I can also use dark magic. Want you free? Did you follow me? If you can, try again. Even with stiletto heels, it's me, the first on the hill. If you manage to catch me, I promise that I am dressed. I'm on the tree, you're behind me. You getting warm and now you wrong. I'm behind you, is it too fast for you? Ooh. I'm a sexy witch, I'm a super witch, with super, super, super powers. I can have the world at my feet, I'll be a Hollywood star with a magic formula. I'm a good witch, but I can also use dark magic. Depuis la COVID, les gens se cherchent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, hein? Oui. Puis certaines autres ouvrent, mais bon, en tout cas, c'est assez fragile actuellement. OK, mais il y a quand même la culture des open mic ou... Oui, oui, à Montréal. OK. À Montréal. À Québec, c'est un peu plus une ville d'étudiants et de fonctionnaires. OK. Donc, c'est pas la même chose. D'accord, je vois. Et toi, à quel moment tu as commencé à présenter ton premier personnage? Quand est-ce que je vais présenter mon premier personnage? En fait, je me suis plus intéressée à mon EP. Là, j'ai commencé à présenter mon premier EP, Naughty Trip sur Spotify, tout ça. Du coup, moi, je fonctionne plus par, je groupe mes chansons suivant qu'elles sont solaires, par exemple. Si elles sont plus, je sais pas comment te dire. Bah, par exemple, j'ai fait une chanson un peu plus hantée, Doll's House. Là, on est plus dans un EP sombre, donc là, je vais aller faire plus l'EP sombre. Les chansons suivant les thèmes, en fait. Je fais plus de petits thèmes. As-tu beaucoup d'écho après ton spectacle? Oui, il y a des gens qui viennent te voir, qui te... En fait, surtout dans ces milieux, le soir, on chante, en fait, tout le monde se parle, en fait. On est souvent plusieurs artistes à chanter dans la même soirée, donc... C'est sûr que le soir, c'est plus sociable, on va dire. Mais il y en a beaucoup qui prennent cette avenue-là. Donc, quand tu fais un spectacle, vous êtes plusieurs sur scène, souvent. Donc, il y a beaucoup de compétition. Alors, ouais, mais nous, en fait, en même temps, quand on a des personnages qui n'ont rien à voir, c'est un peu difficile de raisonner en termes de compétition, surtout, je sais pas, quand je fais un concert avec un homme de plus de, je sais pas, 40 ans, bon, enfin, on voit pas trop la compétition entre nous deux. Il fait de la chanson française, par exemple, je fais de la chanson anglaise. Non, mais... ça fait partie de la variété. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. En fait, il n'y a pas de raison d'être en concurrence. Non, parce qu'en plus, si on était en concurrence, ça voudrait dire qu'on se prendrait pour des produits, mais on n'est pas des produits, on propose tous quelque chose de différent. Tu considères comme une artiste multidisciplinaire Alors, je fais du violon, je chante. Et j'écris des chansons, donc après je voudrais faire aussi un peu de vidéos et de photos, donc le tout ça peut, ouais, donc du coup sur plusieurs disciplines. Est-ce que tu considères plus une musicienne ou une chanteuse ou une compositrice ou un amalgame de tout ça? Alors en fait le jour où j'aurai un premier cachet, par exemple, je sais pas si j'ai un cachet avec une de mes chansons, je dirais compositrice, si j'ai un cachet en tant que chanteuse, je dirais chanteuse. Mais quand tu fais des spectacles, t'es pas payé? C'est très rare, c'est au chapeau. Hein. C'est okay. C'est pas mieux, je pense, qu'au Québec, du coup, pour ça, on n'est pas... Sauf si on est bien payé. Sauf si au Québec, je sais pas si les artistes sont bien payés quand ils font des concerts dans les bars, mais... Bah, quand t'es pas connu, non? Bah non, c'est normal. Bah ouais, mais du coup, ouais, on est payé au chapeau, quoi. Faut passer le chapeau. Ouais, mais en même temps, ils sont nombreux là-bas. Ouais. T'sais, ici, ils sont aussi, mais si tu compares avec le Québec, c'est assez petit. Ouais. Donc, c'est certain que si t'as pas de cachet pour un spectacle, ben, le chapeau, les gens sont pas très généreux. Ah, ok. Ça dépend aussi si tu passes en premier ou en dernier. Ah, ouais, c'est vrai. Il y a moins de monnaie vers la fin. Au début, c'est plus généreux, peut-être. Ouais. Est-ce que tu fais beaucoup de spectacles par année? Bah, j'aimerais en faire plus, hein. En fait, j'aimerais en faire beaucoup plus. Là, pour l'instant, non. Là, je démarre à peine, donc j'en ai fait quelques-uns. Enfin, quelques petits concerts, mais ouais, non. J'espère que l'année prochaine, quand je vais faire mon projet vraiment pro, je vais faire plus de spectacles, de concerts. Toi, tu veux attendre de finir tes études, c'est ça? Ouais, je finis mon master. Là, j'en ai pour 6 mois. Et puis après, e-learning, tu sais, pour concevoir des contenus de formation en ligne. Mais en fait, je fais ça juste pour savoir faire un truc en plus. Ok. As-tu un travail à côté de ça? Bah là, non, c'est juste mon master. Et puis après, je ferai que ça. Et justement, les contenus e-learning, ça permettrait, si je donne des cours de musique, par exemple, je fais des contenus en ligne aussi. Okay. Alors, ça, c'est ton deuxième travail, éventuellement? Voilà. Oui, mais... Ouais, vraiment, okay. Juste en plus, c'est un plus pour moi. Ça. Oui, mais c'est bien aussi parce que ça paye le loyer. Bah, c'est ça. C'est pas si facile que ça, hein, d'en rejoindre des loyers. Bah oui. Mais est-ce que c'est facile? Plus tu fais des spectacles, plus t'es connu, plus on vient te chercher. Bah, pour l'instant, j'en suis pas là. Ah, pour l'instant, ouais, pour l'instant, on peut pas dire, j'en suis pas du tout là. J'aimerais, ouais, j'espère. Oui, non. Puis, non, faut toujours y croire, hein. Red, yellow and blue, red, red. but they will tell you which one do you want, which one do you like, which one do you buy in your wardrobe. Cause still you got tight boots and boots that tickle in the bills, and also ballet shoes are more pretty. From all sides shoes go well, from special shoes boxes. Let's have a super body auction. Pour l'instant, je fais des concerts, mais je vais faire ça l'année prochaine. Je vais taper aux portes, mais je vais essayer d'aller à l'étranger plutôt. Vraiment dans un autre pays. Dans quel endroit? Bah justement, moi j'hésite, je connais pas. Du coup, en fait, je voudrais déjà me faire des expériences ailleurs. Je l'offre pour que tu aies quelqu'un pour te proposer des emplois. Oui, bah c'est ça, en fait, c'est pour ça que moi je voudrais découvrir un peu ailleurs. Moi je suis anglo-saxonne dans l'âme, enfin dans vraiment. C'est toi d'être d'origine française? Ouais, mais bon, je me sens pas très. Okay. Oui, je me sens aussi française, mais forcément, puisque je suis née ici et puis j'ai appris plein de choses ici, mais je suis attirée par quelque chose de plus grand. Okay. Justement, le continent nord-américain, c'est très très grand, et donc qui dit plus grand, qui dit plus de variété, qui dit moins d'ennui. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? On peut aussi, près d'ici, il y a l'Angleterre. Oui, aussi l'Angleterre. Mais ça t'attire un peu moins l'Angleterre. Oui. Les États-Unis, c'est beaucoup plus... c'est plutôt l'endroit que tu préférerais... Ah oui. Ah oui, j'aimerais trop les États-Unis. Ouais. Mais je peux pas y aller comme ça, mais voilà. Après, il faut que je fasse une expérience là-bas avant de savoir vraiment si ça me plairait vraiment. Surtout que là-bas, c'est tellement grand. Et voilà, en fait, le Nord, ouais, l'Amérique du Nord, c'est très, très attirant parce que c'est très, très, très large. Quoi qu'il y a Dublin aussi, il y a plein d'endroits où ça fourmille, artistique, la musique, c'est un peu partout. C'est sûr, Mais t'es attiré beaucoup plus par les États-Unis. Oui, États-Unis, Canada, Angleterre, vraiment. À l'endroit où on frappe à ta porte, tu vas ouvrir. Oui, c'est ça. Puis là aussi, ouais, voilà, là où il va se passer un truc artistique, bah, je vais y aller aussi. Ouais. Est-ce que tu composes beaucoup? Oui, bah là, j'ai mes études, donc c'est un peu chiant. Mais dans quelques mois, je vais reprendre ma nouvelle chanson, puis dès que j'aurai plus mes études, là, je pourrai en faire tout. Enfin, mais là, actuellement, si j'ai regardé, il en a une douzaine. J'en ai 10 à peu près. Ouais. OK. Et puis c'est des chansons, comme je te disais, de 2-3 minutes. Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu veux faire des chansons plus longues ou ça te correspond bien ce minutage de. Parce que tu dis tout, là-dedans, ça renferme tout, donc il n'y a pas d'ennui, c'est bien concis, c'est bien amené. Alors la longueur, après, bah, ça va dépendre du thème de la chanson et de comment ça va être, en fait. Après, je n'ai pas d'idée avant même que je le fais, en fait. Est-ce que tu as appris l'anglais très très tôt dans ta vie ou Bah, à l'école, normal en fait. Après, je suis pas bilingue, mais bah, après, si je suis amenée à aller en Angleterre, aux États-Unis ou même au Canada, bah, je suis obligée là, de m'y mettre à fond. Ouais. Mais ouais, c'est sympa, j'aime bien la langue. Puis surtout, ce qui est cool, c'est que quand on ne parle pas cette langue, en fait, bah, on se permet plus de choses parce qu'on ne se rend pas compte des énormes idées qu'on sort. Ouais, c'est ça. mais tu crains pas que tes chansons. Est-ce que tu fais vérifier par un anglais ou une anglaise? Oui, après je check bien, je me vérifie, je vérifie que je raconte pas n'importe quoi. Et tu demandes ça à qui? Des gens, puis je vérifie aussi avec ce que j'ai fait aussi avec mes études. Bon, je suis capable de voir. Est-ce que tu considères t'es-tu une chanteuse qui a un accent? Ou t'essaies de le dire? J'imagine que j'ai un accent quand je chante en anglais. Enfin, j'imagine, après je m'en rends pas compte. Je sais pas, toi t'es bilingue? Non. Ah ok. Non. Donc tu te rends pas compte quand je chante? Non, okay. Non, je peux pas dire si t'es... Okay. Non. Mais toi, en fait, ce que tu veux, c'est d'avoir l'anglais universel, c'est-à-dire de t'entendre chanter et de pas savoir ta provenance. Bah ouais, pourquoi pas. Oui, ça c'est idéal, c'est si j'arrive à... mais après, bon, on se trahit toujours, je pense, parce que bon, bah, forcément, on n'a pas la même façon de penser d'un endroit à un autre. Je finirai par me trahir, forcément. Mais comment ça t'est venu, ton nom d'artiste? Alors là, je suis pas allée chercher loin. Okay. Prénom, Alexandra. Ah, ben là, c'est ton véritable prénom. Et deuxième prénom, Lina, ben, c'est mon deuxième prénom. Ah! Ah oui, je sais pas. Ok, t'as coupé le nom et t'as gardé les deux prénoms. Oui, c'est ça, j'ai gardé. Ben, c'est mes deux prénoms. Donc. Sorry, Clint. Sorry, Clint. Tears are flying in love with your angel. Little heart, since our breakup, your spirit dancing here. The new voice sounds so clear. Sometimes your smile appears, and the unicorn tells us that we're hallucinating. Sorry, Clint. Pink clouds explode. Our soulmates are light years away. Sorry, Clint. Sorry, Clint. Tears are flying in love with your angel. Please, Cupid, with your arrows, add us on your love list. Draw a couple again, you dream magic artist. But the night watchman wants that it's too late to say I love you. Sorry, Clint. Pink clouds explode. Our soulmates are light years away. Sorry, Clint. Sorry, Clint. Tears are flying in love with your angel. If only it was easy to repel these monsters. Now you are far away from walks among the stars. Oh, are you clean? Sorry, Clint. Pink clouds explode. Our soulmates are light years away. Sorry, Clint. Sorry, Clint. Tears are flying in love with your angel. Parce que tu trouves que ça sonne bien? Ben, ouais, je pris ça comme ça, bah. Mais est-ce que tu vas le garder? Oui, parce que si je fais un nom trop original ou un truc trop machin, après, il faut que toutes les chansons aillent avec le nom. Alors que là, l'avantage, c'est que bah, je peux faire ce que je veux, en fait, après. Ah oui, ok. Si je m'appelle Sorcière, parce qu'il y a une chanson que j'ai faite qui s'appelle Sexy Witch, si je m'appelle, par exemple, Sexy Witch, bah après, je serais obligée de faire que des chansons dans ce thème. Ouais, ouais, ok. Du coup, ouais, c'est moins marrant. Ouais, tu confines un peu. Ouais. Tu vas étouffer. Quoi. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup de... As-tu beaucoup de projets après ton cours? Il te reste 6 mois, là. Ouais, 6 mois. En plus, je travaille en entreprise, mais après... Ouais, voilà. Après mon master pro, là, ciao, les études. Ok. Puis c'est le début de la musique. Tu vas te consacrer à la musique. Oui, bien sûr, je vais me consacrer à la musique. Je vais voir aussi là où je peux gagner un peu de sous. Hein. Ouais. Voilà, et puis ça va venir petit à petit, j'espère. Mais est-ce que tu veux t'entourer? As-tu des gens qui veulent, est-ce que des gens qui veulent se greffer à tes projets, à ton projet? Bah, bien sûr, je vais chercher petit à petit des collaborations artistiques. Bah, mais actuellement, non, il n'y a pas de... Bah, ça dépend, en fait, des fois. Bah, pour l'instant, les collaborations, c'est plus pour une soirée, quoi, pour chanter une soirée. Ouais, après, ok, mais c'est très éphémère. Ouais, c'est éphémère. Après, pour l'instant, je ne peux pas vraiment me projeter tant que bah, vraiment les relations ça dépend des personnes, ça dépend de ouais. Puis du contexte aussi, il faut que les personnes aient envie de venir dans l'univers et puis après de toute façon les collaborations artistiques ça c'est dans le mouvement. Oui, c'est ça, effectivement. Puis ça peut changer. Oui, ça change. Ouais. Ouais. J'ai 10 questions de la fin, on va voir où ça va nous mener. Ok. Si tu étais un liquide. J'étais un liquide? Oui. Un liquide! Oula! Bah une grenadine. Une grenadine? Ouais, okay. Voilà. Ok. Si tu étais une ville? Une ville? Las Vegas. Oh! Oh! À quelle époque? J'en sais rien, moi. Dans les années... non, maintenant. Maintenant? OK. Ouais, voilà. Si tu étais une langue? Anglais. Ben oui, ben là, ça coule de source. Si tu étais une époque? J'étais une époque dans le futur. OK. Donc, je dirais plutôt après. J'aime pas ce qu'il y a avant, j'aime pas ce qu'il y a après. OK. Si tu étais un aliment? J'étais un aliment. Bonne question. Du chocolat. Oui, au lait ou noir? Au lait. OK, moi aussi, c'est mieux. Ben oui. Oui, c'est plus goûteux, moins amer. Oui, c'est ça. Si tu étais une saison? Été. Parce okay, ben que oui. Je suis née d'une mois d'été, donc... Ben oui. Sûr. Si tu étais un membre corporel? J'étais un membre... Ben, la bouche, parce que c'est quand même nécessaire pour chanter et puis pour parler. Et puis... Effectivement, effectivement. Si tu étais un moment de la journée? J'étais un moment de la journée, la nuit. Ah ben oui. Le monde du soir et tout. Puis comme certains chanteurs disent, la nuit je mens. Ben oui. Sais-tu qui dit ça? Ah! La nuit je mens. Ah mais c'est une chanson ça. Oui. Mais je sais plus c'est qui. Anne Bachelot. Ah oui, alors. Si tu étais un autre individu? Si j'étais un autre individu, qui je serais? Un alien. Voilà. Un extraterrestre. Voilà, un extraterrestre. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Le même chemin que j'ai déjà fait? Oui. Ah ben non, il faut diversifier, il faut faire évoluer. Pas être différent, mais le faire évoluer. Oui. C'est vrai. Et as-tu beaucoup de projets? Oui, après, je voudrais avoir plein de projets après, c'est sûr. Donc, tu te laisses jusqu'à la fin 2023 pour exploser? Bah, en tout cas, démarrer déjà avant d'exploser, pas construire pas à pas le truc, quoi. Est-ce que tu peux m'envoyer les chansons par WeTransfer? Oui, bien sûr. Alors, du coup, tu veux les formats WAV? Oui, je préfère WAV. OK, tu veux tout, l'album Naughty Trip, enfin, le PNL? Ben, ce serait si tu peux m'envoyer les 10. OK, ça marche. Ce serait pas mal. Oui, c'est cool. Je vais t'envoyer mon courriel sur Facebook. Oui. Puis tu vas pouvoir m'envoyer ça au courant de la semaine prochaine, là, quand je serai de retour à Québec. Oui, c'est cool, ça. Excellent. Et là, je vais prendre des photos. Puis ce sera diffusé à la rentrée, c'est-à-dire en 2023, en septembre, vers septembre 2023. Oh, c'est cool, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. J'aime bien, moi. C'est aussi simple que ça. T'étais nerveuse, hein? Moi, je suis... Ah bon? Non. Non, mais je suis naturellement dynamique, on va dire, mais... OK. Non, je pense pas être... Ouais, peut-être je suis un peu pam. Mais si c'est en toi, c'est en toi. Ouais. OK. Ah, mais c'est dynamique, c'est vrai, c'est... Alors, je suis pas photogénique. Hein. Ben voyons donc. Et voilà. Le genou dans la flaque d'eau, c'est pas grave. Ah mince. C'est pas grave. Ça sèche. Il faut que je regarde où en fait? Ici. Ah oui, OK. Parce que ça, c'est la lumière, ça donne mal aux yeux. OK. Deux. Pour la route? OK. Hey, merci! Eh bien, merci. Merci, puis oublie pas de m'envoyer les waves, je vais t'envoyer mon courriel. Ben, je t'envoie ça, ça marche? C'était super! Ouais, c'est super. Sympa! Puis à la revoyure. À la quoi? À la revoyure, ça veut dire à une prochaine fois. Ah, c'est en québécois? Ah, non, à la revoyure, non, c'est du vieux français. C'est okay. Français de France. Ah, OK, ben, je connais même pas. C'est pas grave. Merci! Merci! Salut! Ciao! Your eyes and then rise tonight. Welcome to the doll's house. On your way, strange faces, they seem to say, "Mama, here, is there someone? There's someone here." In